Chapitre 10. Ce soir-là, Phyllis devait rentrer de bonne heure. Le dîner ne se prolongea donc pas tard comme la veille. Cependant, avant de partir, elle voulut desservir la table et tout remettre en ordre. « Tu pourras très bien déjeuner demain avec le reste du poulet, » dit-elle en le serrant dans le garde-manger, où il alla rejoindre la boîte de sardines et la terrine de foie gras. Comme il l'accompagnait, un flambeau à la main pour l'éclairer, il put voir que ce n'était pas seulement à son déjeuner du lendemain et des jours suivants qu'elle avait pensé. Dans la cuisine, une provision de bois occupait un coin, sur une tablette étaient posés deux paquets de bougies, et sur les coffres des lapins s'entassait une provision de carottes suffisante pour les nourrir pendant plusieurs jours, eux et les cochons d'Inde. « Quel brave petit cœur tu es, » dit-il. « Parce que je pense aux lapins ? Pour ta tendresse et ta discrétion. Je voudrais tant être bonne à quelque chose. » Lorsqu'elle l'eut quitté, il s'assit immédiatement à son bureau et tout de suite il commença à travailler, pressé de regagner le temps qu'il venait de donner au sentiment. Que son travail ne dût servir à rien et que ses expériences fussent brusquement interrompues le lendemain ou quelques jours plus tard, n'était pas pour l'arrêter. Il avait à travailler. Il travaillait comme s'il avait la certitude de passer ses concours et aussi celle que les expériences qu'il poursuivait depuis plusieurs années seraient menées à bonne fin sans que personne pût les déranger. C'était en effet sa force que cette puissance de travail qui jamais ne s'était laissée distraire ou écrasée par rien. Le plaisir pas plus que la souffrance, les préoccupations pas plus que la misère et ses privations. Dans la rue, il pouvait penser à Phyllis, avoir faim, sentir le poids du sommeil. À son bureau, il n'y avait plus pour lui ni Phyllis, ni faim, ni sommeil, ni soucis, ni souvenirs. Il y avait son travail qui le prenait tout entier. C'était sa force et aussi sa fierté, la seule supériorité dont il se vanta, car bien qu'il s'en reconnût d'autres, de celle-là, il ne parlait jamais, tandis qu'il disait volontiers à ses camarades « Moi, je travaille quand je veux et tant que je veux. Ma volonté appliquée au travail n'a jamais eu de défaillance. Ce qu'on raconte d'Alexandre le Grand, qui pour rester éveillé la nuit tenait dans sa main une boule de métal au-dessus d'un bassin d'airain, prouve tout simplement que le Macédonien était un molasse. » Ce soir-là, il en fut pendant une heure à peu près comme il en était toujours. Ni les huissiers, ni Jardine, ni Cafier ne le troublèrent. Cependant, ayant eu une recherche à faire, il constata que sa mémoire ne lui obéissait point comme à l'ordinaire. Elle hésitait, s'embrouillait. Surtout, elle avait des distractions réellement étonnantes. Il la violenta et elle obéit, mais ce fut pour peu de temps. Bientôt, elle le trahit une seconde fois, puis une troisième, une quatrième. Décidément, il n'était pas dans un état normal, et sa volonté obéissait au lieu de commander. Il y avait un nom et une phrase qu'il se répétait de temps en temps machinalement. Ce nom était celui de Cafier. Cette phrase, c'était « rien de plus facile ». Pourquoi cette hypothèse d'étrangler Cafier, dont il n'avait parlé qu'en l'air et sans y attacher nulle importance au moment où il l'avait émise, lui revenait-elle ainsi comme une sorte d'obsession ? N'était-ce pas bizarre ? Jamais, jusqu'à ce jour, il n'avait eu l'idée qu'il pouvait étrangler un homme, si coquin que fût cet homme. Et voilà qu'en causant, il avait trouvé des raisons qui rendaient toute naturelle et même légitime la mort de ce coquin. Phyllis elle-même ne l'avait-elle pas condamné ? À la vérité, elle avait ajouté que la Providence ou la justice devait procéder à l'exécution. Mais c'était le scrupule d'une conscience naïve qui s'était formée dans un milieu dont lui ne subissait pas l'influence. Est-ce qu'il avait de ces scrupules, le vieil homme d'affaires, qui froidement, pour le seul intérêt d'un tant pour cent sur une dot, conseillait de tuer une femme par l'ivrognerie et un enfant n'importe comment? Avec lui, on était réellement à deux, le jeu, et au plus fort des deux. Comme il en arrivait à cette conclusion, il s'arrêta, se demandant s'il était fou de suivre une pareille idée. Puis tout de suite, pour la chasser, il se remit au travail qui, pendant un certain temps, mais moins longuement que la première fois, l'absorba. Puis de nouveau sa volonté lui échappant, il se reprit à penser à Cafier. Il n'était que trop évident que s'il avait réalisé l'idée d'étrangler Cafier, toutes les difficultés contre lesquelles il se débattait et qui allaient l'écraser, sinon le lendemain, au moins dans quelques jours, auraient été immédiatement aplanies. Plus d'huissiers, plus de créanciers. Quelle délivrance! Le repos, la possibilité de passer ses concours avec un esprit tranquille que la fièvre des inquiétudes matérielles ne troublerait point. Dans ces conditions, son succès était assuré, il le sentait. Et ses expériences? Il ne courait plus le danger de les voir brusquement interrompues. Ses préparations n'étaient pas jetées dans la rue. Ses tubes de culture n'étaient pas brisés. Ses matras, ses ballons ne s'en allaient point chez le brocanteur. Il continuait ses recherches. Elles aboutissaient aux résultats qu'il poursuivait. Pour lui, la gloire, pour l'humanité, la guérison d'une des plus terribles maladies qui la fauchent, et peut-être de deux. Ainsi, la question se posait bien simple. D'un côté Cafié, de l'autre l'humanité et la science. Un vieux coquin qui avait mérité 20 fois la mort, et qui d'ailleurs allait mourir naturellement dans un délai prochain, et l'humanité, la science, qui allait profiter d'une découverte dont il serait l'auteur. Il s'aperçut que la sueur perlait sur ses mains et lui coulait dans le cou. Pourquoi cette défaillance? Par horreur du crime dont il admettait la possibilité, ou par peur de voir ses expériences anéanties? Il fallait réfléchir, se rendre compte, s'observer. Il avait dit à Phyllis que les gens intelligents, avant de s'engager dans une action, en pèsent le pour et le contre. Contre la mort de Cafié, il ne voyait rien. Pour, au contraire, tout se réunissait. S'il avait eu les scrupules de Phyllis ou les croyances de Brigard, il n'aurait eu qu'à s'arrêter. Mais ne les ayant pas, ne serait-il pas naïf de reculer? Devant quoi reculerait-il? Pourquoi s'arrêterait-il? Le remords? Mais il était convaincu que les gens intelligents n'ont pas de remords quand ils se sont décidés en connaissance de cause. C'est avant qu'ils en ont, non après. Et justement, il en était à cette période de l'avant. La peur de se faire prendre? Mais les gens intelligents ne se font pas prendre. Ceux qui se perdent, ce sont ou les brutes qui vont tout droit, ou les demi-intelligents qui mettent toute leur habileté, leur finesse, à combiner une action compliquée ou romanesque dans laquelle on retrouve leurs mains. Lui, il était homme de science et de précision, et il ne se compromettrait ni par l'acte, ni par le sentiment. Rien à craindre pendant... Rien à craindre après. Cafié étranglé, ce ne serait pas sur un médecin que les soupçons se porteraient. Ce serait sur une brute. Quand les médecins veulent tuer quelqu'un, ils opèrent savamment par le poison ou toute autre mort scientifique. Les brutes y vont brutalement. Le meurtre dit la profession de l'assassin. Quelques instants auparavant, la sueur l'inondait. Ce mot le glaça. Il se leva nerveusement et se mit à marcher à grands pas saccadés dans son cabinet. Le feu s'était éteint depuis longtemps déjà. Au dehors, les bruits de la rue avaient cessé, et dans son cerveau résonnait le mot qu'il prononçait tout bas, « assassin ». Était-il homme à se laisser influencer et arrêter par un mot? Où sont les enrichis, les parvenus, les arrivés qui n'ont pas laissé derrière eux des cadavres sur le chemin parcouru? Le succès les porte, et ils n'ont eu le succès que parce qu'ils avaient la force. Certainement la violence n'était pas une récréation, et il serait plus agréable de faire tranquillement son chemin par la seule puissance de l'intelligence et du travail que de se l'ouvrir à coups de poing. Mais on ne le choisit pas, ce chemin. On est jeté dedans par les circonstances, par les fatalités de la vie, et qui veut arriver au bout n'a pas le choix de ses moyens. S'il faut marcher dans la boue, qu'importe, quand on sait qu'on ne se crottera pas. Si encore Cafié avait eu des héritiers, de pauvres gens sauvés de la misère par cette fortune sur laquelle il comptait, il se serait sans doute laissé toucher par cette considération. Voleur, le mot était encore plus vilain que celui d'assassin. Mais à qui manqueraient les quelques billets de banque qu'il prendrait dans cette caisse? Voler, c'est faire tort à quelqu'un. À qui ferait-il tort? Il ne le voyait pas. Tandis qu'il voyait très distinctement l'armée d'affligés à laquelle il rendrait service. Un coup de sonnette timide le fit sursauter, et il éprouva un mouvement de colère de se sentir si nerveux, lui ordinairement maître de son esprit comme de son corps. Il alla ouvrir. Un homme vêtu en ouvrier le salua humblement. « Je vous demande bien pardon de vous déranger, monsieur le docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Ces rapports à ma femme que je viendrai vous chercher si vous vouliez bien venir. » Qu'a-t-elle ? Elle est en mal d'enfant et ça ne va pas. La sage-femme n'y est plus. Elle veut un médecin. » C'est la sage-femme qui vous a conseillé de venir me chercher ? Non, monsieur le docteur, elle m'a envoyé chez monsieur Legrand. » Eh bien, son épouse m'a dit qu'il ne pouvait pas se lever, rapport à sa bronchique. Alors le pharmacien m'a donné votre adresse. » C'est bon. Je vais vous dire, monsieur le docteur, je suis un honnête homme, moi. Nous ne sommes pas riches. Nous ne pourrons pas vous payer tout de suite. J'y vais. Attendez-moi. Saniel prit ses instruments et suivit l'ouvrier qui, en route, lui expliqua ce qu'éprouvait sa femme. « Où allons-nous ? » demanda Saniel, interrompant ses explications. « Rue de la Corderie. » C'était derrière le marché Saint-Honoré, au 6e, sous les toits, dans une chambre proprette malgré sa pauvreté. Quand Saniel entra, la sage-femme vint au-devant de lui, et l'arrêtant, elle lui dit à voix basse, sentencieusement, « C'est un cas de dystocie par malformation du bassin. » « L'enfant est vivant ?»« Oui. »« C'est bon, nous allons voir. » Il s'approcha du lit et examina longuement la malade qui répétait. « Je vais mourir. Sauvez-moi, monsieur le médecin. »« Mais certainement, nous allons vous sauver, » dit-il doucement. « Je vous le promets. » Il s'était relevé et il avait ôté sa redingote puis son gilet. « Donnez-moi un tablier, » dit-il à la sage-femme en retroussant les manches de sa chemise. Elle lui apporta ce tablier et tandis qu'il le nouait sous ses bras. « Eh bien, » demanda-t-elle. « Il n'y a qu'à tuer l'enfant pour sauver la mère, on n'a que trop attendu. »« Vous allez pratiquer l'embryotomie ? Avec ça que je vais me gêner. » L'opération fut longue, difficile, pénible. Et après qu'elle fut terminée, Saniel resta encore longtemps auprès de la malade. Quand il descendit dans la rue, 5 heures sonnaient à une horloge et déjà la place du marché s'animait. Mais dans les rues, retrouvant le silence et la solitude de la nuit, il se prit à réfléchir. Ainsi, il n'avait pas hésité à tuer cet enfant, qui avait peut-être 60 ou 80 années de vie heureuse devant lui. Et il s'arrêtait devant la mort de Cafier, qui n'avait plus qu'une misérable existence de quelques jours. L'intérêt d'une pauvre femme débile et rachitique l'avait décidé. Le sien, celui de l'humanité, le laissait perplexe, irrésolu, faible et lâche. Quelle contradiction! Il marchait les yeux baissés. À ce moment, sur la chaussée, devant lui, il aperçut un objet brillant sous le scintillement du gaz. Il s'en approcha. C'était un couteau de boucher qu'un garçon allant à l'abattoir ou venant au marché avait perdu. Il hésita un moment s'il le ramasserait ou le laisserait là. Puis, regardant autour de lui et ne voyant personne dans la rue déserte, n'entendant aucun bruit de pas dans le silence, il se baissa vivement et le prit. Le sort de Cafier était décidé. Chapitre 11. Quand, après 2 heures de sommeil, Saniel s'éveilla, il ne pensa pas tout d'abord à ce couteau. Il était là et ses idées confuses restaient engourdies. Machinalement, il allait, venait dans la chambre, sans se rendre compte de ce qu'il faisait, comme s'il était en état de somnambulisme. Et cela l'étonnait, car jamais il ne ressentait la fatigue de l'esprit, pas plus que celle du corps, si peu qu'il eût dormi. Mais tout à coup, ses yeux ayant rencontré le couteau, qu'en rentrant il avait déposé sur le marbre de la cheminée, il reçut une commotion qui secoua son engourdissement et sa fatigue. Ce fut comme un éclair qui l'aurait ébloui. Il le prit et, s'approchant de la fenêtre, il l'examina à la clarté pâle du jour naissant. C'était un instrument solide qui, en une main ferme, serait une arme terrible. Nouvellement aiguisé, il avait le fil d'un rasoir. Alors l'idée, la vision qu'il avait eue 2 heures auparavant, lui revint nette et complète, comme elle s'était présentée. À la nuit tombante, c'est-à-dire au moment où la concierge se trouvait dans le second corps de bâtiment, il montait chez Cafier sans qu'on le vît passer, et avec ce couteau il lui coupait la gorge. C'était aussi simple que facile, et ce couteau abandonné auprès du cadavre, de même que la nature de la plaie, disait à la police qu'elle devait chercher un boucher ou du moins un homme habitué à se servir d'un couteau de ce genre. Lorsqu'il avait discuté la veille la mort de Cafier, le moment de l'exécution ainsi que le comment étaient restés dans le vague. Mais maintenant, le jour et le moyen étaient précisés. Ce serait avec ce couteau, et ce soir même. Cela le secoua de sa torpeur et lui donna un frisson. Mais il se fâcha contre cette faiblesse. Savait-il ou ne savait-il pas ce qu'il voulait? Irrésolu ou lâche? Alors, sautant d'une idée à une autre, il pensa à une observation qu'il avait faite et qui semblait prouver que chez bien des sujets, il y avait moins de fermeté le matin que le soir. Était-ce là un résultat du dualisme des centres nerveux? Et la personnalité humaine était-elle double comme le cerveau? Y avait-il des heures où l'hémisphère droit est le maître de nos volontés? Y en avait-il d'autres où c'est le gauche? L'un de ces hémisphères possède-t-il des qualités spéciales que l'autre n'a pas? Et selon que c'est celui-ci ou celui-là qui est entré en activité, a-t-on tel caractère ou tel tempérament? Cela serait curieux et reviendrait à dire que mouton le matin, on peut être tigre le soir. Chez lui, c'était un mouton qui s'éveillait, que dans la journée un tigre dévorait. À quel hémisphère appartenait l'une ou l'autre de ces personnalités? Mais il se fâcha de se laisser prendre par ses réflexions. C'était bien l'heure vraiment d'étudier cette question de psychologie. C'était de Cafier qu'il devait s'occuper, et du plan qui, dans la rue, avant qu'il se décidât à ramasser ce couteau, s'était instantanément dessiné dans son esprit. Évidemment, les choses n'étaient ni aussi simples, ni aussi faciles que tout d'abord il les avait vues, et pour que son plan réussît, il fallait tout un concours de circonstances qui pouvaient très bien ne pas se trouver réunies. La concierge ne le verrait-elle point passer? Quelqu'un ne monterait ou ne descendrait-il pas l'escalier? Serait-il seul? Ouvrirait-il? Ne sonnerait-on point quand ils seraient enfermés ensemble? Il y avait là toute une série de questions qui ne s'étaient pas tout d'abord présentées à son esprit, mais qui maintenant s'imposaient. Il fallait les examiner, les peser, et ne pas se jeter à l'étourdi dans une aventure qui pouvait présenter de tels hasards. Toute la journée était à lui, heureusement, et comme dans l'état d'agitation où il se trouvait, il n'y avait pas à penser au travail, il la donnerait à cet examen. L'enjeu en valait la peine, son honneur et sa vie. Aussitôt qu'il fut habillé, il sortit et s'en alla droit devant lui par les rues dont le mouvement du matin encombrait déjà les trottoirs. Ce fut seulement quand il eut quitté le centre de Paris qu'il put réfléchir comme il le voulait, c'est-à-dire sans être dérangé à chaque instant par des gens pressés qu'il devait éviter ou par des lecteurs de journaux qui, ne regardant pas devant eux, se jetaient sur lui. Évidemment, les risques étaient autrement sérieux qu'il n'avait imaginé, et en les voyant se dessiner, il se demanda s'il devait aller plus loin. Supprimer Cafier, bien. Se faire prendre, non. Alors il fut surpris de constater qu'il n'éprouvait aucune déception. Au contraire, c'était plutôt une sorte d'apaisement qui se faisait en lui. Si c'est impossible. Il n'était pas homme à s'acharner follement contre l'impossible. Il aurait fait un rêve, un mauvais rêve, et ce serait tout. Il s'arrêta, et après un moment d'hésitation, tournant sur ses talons, il rebroussa chemin. À quoi bon aller plus loin? Il n'avait plus à réfléchir, ni à balancer le pour et le contre. Il fallait renoncer à ce plan, décidément trop dangereux. Mais il avait à peine fait quelques pas pour revenir chez lui, qu'il se demanda si réellement ces dangers étaient tels qu'il venait de les entrevoir, et s'il se trouvait bien en face d'une impossibilité radicalement démontrée. Sans doute la concierge pouvait le remarquer quand il passerait devant sa loge, soit en montant, soit en descendant, mais elle pouvait aussi ne le point remarquer. Cela, en réalité, dépendait de lui pour beaucoup, et de la façon de procéder. Tous les soirs, cette vieille concierge aux reins ankylosés avait à allumer le gaz dans deux corps de bâtiment, celui de la rue et celui de la cour. Elle commençait par celui de la rue, et avec la gêne qu'elle éprouvait à marcher, elle devait mettre un temps assez long à gravir ses 5 étages ainsi qu'à les redescendre. Que de la rue on guetta le moment où, à la nuit tombante, elle sortirait de sa loge, son ras de cave allumé à la main, qu'on monta aussitôt l'escalier derrière elle, mais d'un peu loin et sans la rejoindre, de façon à se trouver sur le palier du premier étage quand elle-même arriverait sur celui du second, et on aurait tout le temps, l'affaire faite, de regagner la rue avant qu'elle fût revenue dans sa loge après avoir allumé le gaz de ses 2 escaliers. Il s'agissait pour cela de procéder régulièrement, méthodiquement, sans se presser, mais aussi sans s'attarder. Était-ce impossible ? Là précisément se trouvait le point délicat, celui qu'il fallait examiner avec sang-froid, sans se laisser influencer par aucune autre considération que celle qui dérivait du fait même. Il avait donc eu tort de ne pas continuer sa route, et le mieux était assurément de sortir de Paris. À la campagne, dans les champs ou les bois, il trouverait le calme qui était indispensable à son cerveau surexcité, dans lequel les idées se choquaient comme les vagues d'une mer démontée. Il était en ce moment au milieu du faubourg Saint-Honoré. Il prit une rue qui devait le conduire aux Champs-Élysées, à cette heure matinale désert assurément. Longuement, il examina toutes les hypothèses qui pouvaient se présenter, et il arriva à la conviction que ce qui lui avait apparu impossible ne l'était nullement. Qu'il conserva son calme, qu'il ne perdit pas le sentiment du temps écoulé, et il pouvait très bien échapper à la concierge, ce qui était le point capital. À la vérité, le danger de la concierge écartée, tout n'était pas dit. Il restait celui d'être rencontré dans l'escalier par un locataire de la maison. De même, restait aussi la mauvaise chance de ne pas trouver café chez lui, ou qu'il ne fût pas seul, ou enfin qu'un coup de sonnette arrêtât lever la main au moment décisif. Mais par cela même qu'elle dépendait uniquement du hasard, ces circonstances ne pouvaient être décidées à l'avance. C'était un aléa. Si l'une d'elles se réalisait, il attendrait au lendemain. Ce serait une journée d'agitation de plus à passer. Mais une question qui devait être décidée à l'avance, parce que sûrement elle se présenterait avec des dangers sérieux, c'était celle de savoir comment il justifierait la venue entre ses mains d'une somme d'argent qui, providentiellement et à point nommé, le tirait des embarras contre lesquels il luttait. « Vous avez payé vos dettes, c'est parfait. Avec quoi ? Vous étiez sans ressources, aux abois, noyés. Où avez-vous trouvé celles qui miraculeusement vous ont sauvé ?» Il était arrivé au bois de Boulogne. Il continua d'aller devant lui, mais en passant devant une fontaine dont le clapotement attira son attention, il s'arrêta. Bien que le temps fût humide et froid sous l'influence d'un fort vent d'ouest chargé de pluie, il avait la langue desséchée. Il but deux gobelets d'eau, puis il reprit sa marche sans s'inquiéter de savoir où elle le porterait. Alors il bâtit tout un arrangement qui lui parut ingénieux au moment où il lui vint à l'esprit. C'était pour emprunter 3 000 francs qu'il s'était présenté chez Cafier. Pourquoi celui-ci ne les lui aurait-il pas prêtés, sinon le premier jour, au moins le second ? Ce serait avec cet emprunt qu'il aurait payé ses dettes, si on l'interrogeait jamais sur ce point. Pour prouver ce prêt, il n'avait qu'à souscrire un billet qu'il placerait dans la caisse et qu'on trouverait là. Le premier soin de ceux qui ont signé un engagement de ce genre n'est-il pas de le reprendre quand l'occasion s'en présente ? Puisqu'il n'aurait pas saisi cette occasion et fait disparaître son billet, ce serait la preuve qu'il n'aurait pas ouvert cette caisse. Entre autres avantages, cet arrangement avait celui de supprimer le vol. Ce n'était plus qu'un emprunt. Plus tard, il rendrait ses 3 000 francs aux héritiers de Cafier. Tant pis pour celui-ci, si c'était un emprunt forcé. En rentrant dans Paris, il achèterait une feuille de papier timbré, et comme il avait fait la veille une visite dont il avait touché le prix, cette dépense lui était possible. Arrivé à Saint-Cloud, il entra dans un cabaret et se fit servir un morceau de pain avec du fromage et du vin. Mais s'il but beaucoup, il ne put que très peu manger, sa gorge serrée se refusant à avaler le pain. Il reprit sa route et s'engagea dans les chemins glaiseux qui courent sur les pentes du Mont Valérien. Mais il était insensible aux désagréments et à la fatigue des glissades sur un sol détrempé, et il allait toujours, au hasard, n'ayant d'autre souci que de ne pas trop s'éloigner de la Seine, afin de pouvoir rentrer à Paris avant la nuit. Depuis qu'il s'était arrêté à cette combinaison du billet, il s'y complaisait. Mais à force de l'examiner et de la retourner, il s'aperçut qu'elle n'était pas aussi ingénieuse qu'il l'avait cru, et même qu'elle pouvait le perdre. Est-ce que les débitants de papier timbré ne numérotent pas bien souvent leur papier ? Avec ce numéro, on pourrait remonter à celui qui avait vendu la feuille sur laquelle le billet était écrit, et par lui à celui qui l'avait acheté. Et puis, était-il vraisemblable qu'un homme d'affaires méticuleux comme Cafier n'inscrivit pas sur un carnet ou sur un livre les prêts qu'il consentait ? Et l'absence de cette inscription, alors qu'on trouverait un billet, ne serait-elle pas un indice suffisant pour éveiller les soupçons et les guider ? Décidément, il n'échappait à un danger que pour tomber dans un autre. Partout des choses trappes. Il eut un mouvement de découragement, mais sans aller jusqu'à la défaillance. Son erreur avait été de s'imaginer que l'exécution de l'idée qui lui était venue à l'esprit en ramassant le couteau était aussi simple que facile. Mais pour compliquée et périlleuse qu'elle fût, elle n'était pas impossible. Qui n'a pas ses dangers? La question qui, en fin de compte, se posait était celle de savoir s'il y avait en lui la force nécessaire pour faire tête à ses dangers. Et sur ce terrain, l'hésitation n'était pas possible. Vouloir tout prévoir à l'avance était folie. Ce qu'il n'aurait pas pensé se produirait. Il revint vers Paris et, par le pont de Suresnes, rentra dans le bois de Boulogne. Comme il n'était pas encore 3 heures, il avait tout le temps d'arriver rue Sainte-Anne avant la nuit. Mais en route, une averse le força de s'abriter sous un champignon. Et il resta là assez longtemps à regarder la pluie tomber, se demandant si ce hasard qu'il n'avait pas prévu n'allait pas déranger son plan, au moins pour ce soir même. Un homme qui aurait reçu cette averse ne pourrait pas se promener dans la rue devant la porte de Cafier sans attirer l'attention des passants. Et justement, ce qui importait, c'était qu'il ne provoquât l'attention de personne. Enfin, la pluie cessa, et à 4h40, il arrivait chez lui. Il lui restait 15 ou 20 minutes de jour. C'était plus qu'il ne lui en fallait. Il piqua la pointe du couteau dans un bouchon, et après l'avoir placé entre les feuilles repliées d'un journal dans la poche intérieure du côté gauche de sa redingote, il partit. Chapitre 12. Quand il arriva devant la porte de Cafier, la nuit n'était point encore tout à fait établie, et si le gaz des boutiques flambait déjà, celui des lanternes de la rue n'avait pas encore été allumé. Le mieux et le plus sûr pour lui eût été de stationner devant la porte cochère et du côté opposé. De là, il guettait la concierge qui n'aurait pas pu sortir de sa loge sans qu'il la vît. Mais bien que les passants fussent peu nombreux à ce moment, il l'aurait peut-être remarqué. Juste en face de cette porte cochère se trouvait un petit café dont la devanture brillante de gaz le mettrait trop en pleine lumière. Il continua donc son chemin, mais lentement et presque aussitôt il revint sur ses pas. Toute irrésolution, toute hésitation avait disparu, et le seul point sur lequel il s'interrogea encore portait sur l'état dans lequel il se trouvait en ce moment même. Il se sentait ferme, et son pouls, il en avait la certitude, battait son mouvement régulier. Il était tel qu'il avait imaginé qu'il serait. L'expérience confirmait ses prévisions. Sa main ne tremblerait pas plus que sa volonté. Comme il repassait devant la maison, il vit la concierge sortir lentement de sa loge et fermer avec soin sa porte, dont elle mit la clé dans sa poche. De la main gauche, elle tenait quelque chose de blanchâtre, que dans l'obscurité il distinguait mal, mais qui devait être un rat de cave, qu'elle n'avait point allumé de peur sans doute que le vent, qui s'engouffrait sous la voûte de la porte cochère, ne l'éteignit. C'était là une circonstance favorable qui lui donnait 1 ou 2 minutes en plus de celles sur lesquelles il avait compté, puisque dans l'escalier elle serait obligée de frotter des allumettes pour allumer son rat de cave. Et dans l'exécution de son plan, 2 minutes, une seule minute même, pouvait avoir une importance décisive. À pas traînant, le dos voûté, elle disparut par le vestibule de l'escalier. Alors il continua son chemin comme un simple passant, afin qu'elle eût le temps de monter le premier étage. Puis, tournant sur lui-même, il revint à la porte cochère et la franchit vivement. À la lueur du bec de gaz du vestibule, il vit à sa montre qu'il tenait dans la main qu'il était 5h14. Il fallait donc, si son calcul était juste, qu'à 5h24 ou 25 minutes, il passât devant la loge qui devait être vide encore à ce moment. Au-dessus de lui, il entendit dans l'escalier le pas lourd de la concierge. Elle venait d'allumer le bec du premier étage et continuait son ascension lentement. À pas rapide mais léger, il monta derrière elle et en arrivant à la porte de Cafier, il sonna en s'appliquant à ce que ce ne fût ni trop brutalement ni trop timidement. Puis il frappa à coups également espacés, comme il lui avait été indiqué. Cafier était-il seul? Jusque-là, tout avait marché à souhait. Personne sous le vestibule, personne dans l'escalier. La chance était pour lui. L'accompagnerait-elle jusqu'au bout? Pendant qu'il attendait à la porte, se posant cette question, une idée lui traversa l'esprit. Il ferait une dernière tentative. Si Cafier consentait le prêt, il se sauvait lui-même. S'il le refusait, il se condamnait. Après quelques secondes qui lui parurent longues comme des heures, son oreille aux aguets perçut des bruits qui annonçaient que Cafier était chez lui. Un grattement de bois sur le carreau disait qu'un siège avait été repoussé. Des pas lourds traînèrent, puis le pêne grinça et la porte s'entr'ouvrit avec précaution. « Ah, c'est vous, mon cher monsieur !» dit Cafier avec surprise. Saniel était entré vivement et avait lui-même refermé la porte en l'appuyant bien. « Est-ce que nous avons du nouveau ?» demanda Cafier en passant de l'entrée dans son cabinet. « Non, » répondit Saniel. « Eh bien alors ?» demanda Cafier en prenant place dans son fauteuil devant son bureau qu'éclairait une lampe. « C'est donc pour ma jeune personne que vous venez ? Cet empressement est d'un heureux augure. « Non, ce n'est pas de cette jeune personne que je vais vous entretenir. »« Je le regrette. » Saniel avait tiré sa montre en s'asseyant vis-à-vis de Cafier. 2 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté le vestibule. Il fallait se hâter. De peur de ne pas se rendre compte du temps écoulé, il garda sa montre dans sa main. « Vous êtes pressé ?»« Oui, et je viens tout de suite au fait. C'est de moi qu'il s'agit, de ma position. Et c'est un dernier appel que je veux vous adresser. » « Il faut jouer carte sur table. Vous pensez sans doute que, poussé par ma détresse et voyant que je vais être à jamais perdu, je me déciderai à accepter ce mariage qui me sauverait. »« Pouvez-vous supposer ça, mon cher monsieur ?» s'écria Cafier. Mais Saniel l'arrêta. « Le calcul est trop naturel pour que vous ne l'ayez pas fait. Eh bien, je dois vous dire qu'il est faux. Jamais je ne me prêterai à pareil marché. Renoncez donc à votre projet et revenons à ma demande. « J'ai absolument besoin de ces 3 000 francs et je les payerai le prix que vous-même fixerez. »« Je n'ai pas trouvé de bailleur, mon cher monsieur. J'en ai été bien peiné, je vous assure. Mais que voulez-vous ?»« Que vous fassiez un effort vous-même. »« Moi, mon cher monsieur ? C'est à vous que je m'adresse. »« Mais je n'ai pas d'argent liquide. »« C'est un appel désespéré que je tente. Je comprends que la longue pratique des affaires vous a rendu peu sensible aux misères que vous voyez tous les jours. » « Insensible ? Dites qu'elle me navre, mon cher monsieur. Mais ne vous laisserez-vous pas toucher par celle d'un homme jeune, intelligent, courageux, qui va se noyer faute d'une main tendue vers lui ? Pour vous, ce secours que je vous demande avec cette insistance n'est rien. 3 000 francs, ce n'est rien ? Bigre, comme vous y allez ? Pour moi, si vous me les refusez, c'est la mort. » Saniel avait commencé à parler, les yeux fixés sur les aiguilles de sa montre. Mais bientôt, entraîné par la fièvre de la situation, il les avait relevés pour regarder Cafier et voir l'effet qu'il produisait sur lui. Dans ce mouvement, il avait fait une découverte qui détruisait toutes ses combinaisons. Le cabinet de Cafier était une pièce plus longue que large, qui, par une fenêtre haute, prenait jour sur la cour. N'étant venu dans ce cabinet que la nuit, il n'avait point fait attention que cette fenêtre n'était fermée ni par des volets, ni par des rideaux, pas plus de mousseline que d'étoffe drapée. Le vitrage tout simple. À la vérité, 2 grands rideaux de damas de laine pendaient de chaque côté de la fenêtre, mais ils n'étaient pas tirés. S'adressant à Cafier, placé entre lui et cette fenêtre, Saniel s'était tout à coup aperçu que de l'autre côté de la cour, dans le second corps de bâtiment, au 2e étage, 2 fenêtres éclairées faisaient vis-à-vis au cabinet et que de là on plongeait dans ce cabinet de manière à voir tout ce qui s'y passait. Comment exécuter son plan sous les yeux des gens qu'il voyait aller et venir dans cette chambre ? Ce serait sûrement se perdre. En tout cas, c'était risquer une aventure si hasardeuse qu'il aurait fallu être fou pour la tenter, et il ne l'était point. Jamais même il ne s'était senti si maître de son esprit et de ses nerfs. Aussi n'était-ce plus pour sauver la vie de Cafier qu'il plaidait. C'était pour se sauver lui-même en arrachant ce prêt. Je ne puis, à mon grand regret, que vous répéter ce que je vous ai déjà dit, mon cher monsieur. Pas d'argent liquide. » Et il se prit la mâchoire en geignant, comme si ce refus réveillait ses douleurs de dents. Saniel s'était levé. Évidemment, il ne lui restait qu'à partir. C'était fini, et au lieu d'en être désespéré, il en éprouvait comme un soulagement. Mais, prêt à se diriger vers l'entrée, un éclair lui traversa l'esprit. Vivement, il regarda sa montre, que depuis un certain temps déjà, il ne consultait plus. Elle marquait 5h20. Il lui restait donc 4 minutes 5 au plus. « Pourquoi ne fermez-vous pas ces grands rideaux ? » dit-il. « Je suis sûr que vos douleurs sont causées pour beaucoup par le vent que donne cette fenêtre mal close. »« Vous croyez ? » ?»« J'en suis sûr. Vous avez besoin de chaleur à la tête et vous devez éviter les courants d'air. » Passant derrière le dos de Cafier, il alla à la fenêtre pour tirer les rideaux, mais les cordons résistèrent. « C'est qu'il y a des années qu'ils n'ont été fermés, » dit Cafier. « Sans doute les cordons sont emmêlés. Je vais vous éclairer. » Et prenant la lampe, il vint à la fenêtre, la tenant haut pour éclairer les cordons. En un tour de main, Saniel eut détressé les cordons et les rideaux qu'il tira glissèrent sur leur tringle, en fermant à peu près la fenêtre. « C'est vrai qu'il venait beaucoup de vent par cette fenêtre, » dit Cafier. « Je vous remercie, mon cher docteur. » Tout cela avait été fait avec une rapidité fiévreuse qui étonna Cafier. « Décidément, vous êtes pressé, » dit-il. « Oui, très pressé. » Il regarda sa montre. « Pourtant, j'ai encore le temps de vous donner une consultation, si vous le désirez. »« Je ne voudrais pas abuser. »« Vous n'abusez pas. »« Mais si. » »« Asseyez-vous dans votre fauteuil et montrez-moi votre bouche. » Pendant que Cafier s'asseyait, Samuel continuait d'une voix vibrante. « Vous voyez que je fais le bien pour le mal. »« Comment cela, mon cher monsieur ? Vous me refusez un service qui aurait pu me sauver, et moi je vous donne une consultation. Il est vrai que c'est la dernière. » « Et pourquoi la dernière, mon cher monsieur ? Parce que la mort est entre nous. » « La mort ? Ne la voyez-vous point ? Non, moi je la vois. » « Il ne faut pas avoir de ces idées-là, mon cher monsieur. On ne meurt pas parce qu'on ne peut pas payer 3 000 francs. » Le fauteuil dans lequel Cafi avait pris place était un vieux Voltaire au dos incliné, et il se tenait dedans renversé. Comme il portait des cols de chemise trop larges depuis son amaigrissement et des cravates étroites à peine nouées, il tendait la gorge autant que la mâchoire. Saniel, derrière le fauteuil, avait de sa main droite tiré le couteau, en même temps que de la gauche il appuyait fortement sur le front d'un Cafier, et d'un coup puissant, rapide comme l'éclair, il avait tranché le larynx au-dessous de la glotte, ainsi que les deux artères carotides avec les veines jugulaires. De cette blessure terrible s'était échappé un gros jet de sang qui, traversant le cabinet, avait été s'écrasé contre la porte d'entrée. Pas un cri n'avait pu être formé par la trachée, coupée net, et dans son fauteuil, Cafier était agité de convulsions générales qui lui secouaient tout le corps, les jambes et les bras. Sortant de derrière le fauteuil, Saniel, qui avait jeté le couteau à terre, l'observait la montre à la main, comptant les battements de l'aiguille des secondes, et à mi-voix il les notait. 1, 2, 3. À 90, les convulsions cessèrent. Il était 5h23. Maintenant, il importait de se presser et de ne pas perdre une seconde. Le sang, après avoir jailli en gros jets, avait coulé le long du corps et mouillé la poche du gilet dans laquelle devait se trouver la clé de la caisse. Mais le sang ne produit pas le même effet sur un médecin ou un boucher que sur ceux qui ne sont pas habitués à sa vue, à son odeur et à son toucher. Malgré la mare tiède dans laquelle elle baignait, Saniel prit la clé. Et après s'être essuyé la main à l'un des pans de la redingote de Cafier, il l'introduisit dans la serrure. Le pen allait-il jouer librement, ou bien le mécanisme était-il fermé par une combinaison? La question était poignante. La clé tourna et la porte s'ouvrit. Sur une tablette et dans une sébille étaient les liasses de billets de banque et les rouleaux d'or qu'il avait vus le soir où le garçon de recette était venu toucher une traite. Brusquement, sans compter, au hasard, il les fourra dans ses poches et, sans refermer la caisse, il courut à la porte d'entrée, ayant soin seulement de ne pas marcher dans les filets de sang qui, sur le carreau en pente, avaient coulé vers cette porte. L'heure pressait. C'était maintenant le moment du plus grand danger, celui d'une rencontre derrière cette porte ou dans l'escalier. Il écouta. Aucun bruit. Il sortit. Personne. Sans courir, mais en se hâtant, il descendit l'escalier. Regarderait-il dans la loge ? Où détournerait-il la tête ? Il regarda et ne vit pas la concierge. Une seconde après, il se trouvait dans la rue, mêlé aux passants et respirait.